Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand il est question de Vysotsky, notre regard se tourne vers la Russie sans doute, mais surtout vers les étoiles. Oui, une nuée d'étoiles puisqu'il en a dressé la liste des étoiles. Voilà, qui est fort poétique. D'ailleurs, le catalogue Vysotsky est encore une référence aujourd'hui. Oui, il ne faut pas oublier de mentionner son épouse, elle aussi plongée dans les étoiles, car Alexander Vysotsky et Emma Vysotsky sont tous deux astronomes, astronomes de renom qui ont œuvré au XXe siècle. Ils ont effectué leur carrière aux États-Unis. Ils sont décédés dans les années 1970. C'est Vysotsky là s'écrivent avec un Y à la fin. Mais au même moment, en Russie, un autre Vysotsky, alors qui lui s'écrit avec un I, fait parler de lui, Vladimir. Son épouse s'appelle Marina, c'est Marina Vladi, chanteur, compositeur, acteur, poète. Vladimir Vysotsky sait lui aussi, et sans doute mieux que tous, nous conduire dans les étoiles. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, l'histoire de la Russie secrète, de Rasputin le mystique à la contre-culture sous le marteau. Oui, nous allons explorer tous ces secrets russes et notamment les caves du Vatican. Ce sont des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons visiter un monde particulier, un monde qui n'est plus et pourtant qui constitue encore ce qu'est la Russie, avec un personnage, Vladimir Vysotsky, un nom qui nous parle un peu, peut-être, plus ou moins, selon les uns, selon les autres, et pourtant, contraste saisissant, Vladimir Vysotsky est extrêmement connu en Russie. Et pour nous en parler, avec nous aujourd'hui, Yves Gauthier, vous êtes écrivain et traducteur et vous avez écrit cet essai biographique consacré à Vladimir Vysotsky, Un cri dans le ciel russe. Yves Gauthier, faut nous préciser l'importance que représente ce personnage en Russie aujourd'hui. Vous avez mené une enquête, il y a quelque chose d'intéressant dans votre ouvrage, vous dites que vous avez été voir des enfants, vous leur avez demandé mais est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils ont répondu que oui, c'était la grande question, puisque Vysotsky est mort en 1980, donc 40 ans déjà, se sont écoulés depuis le jour de sa mort. Et la grande surprise est que Vysotsky, mort, fait mourir cette loi qui fait que un poète ou un grand homme, quand il meurt, entame sa traversée du désert. Et Vysotsky fait exception. Alors il y a les sondages d'opinion, et les sondages d'opinion nous disent que Vysotsky reste au firmament. Quand on demande, et ce depuis plusieurs années déjà, et même depuis plusieurs décennies, quand on demande aux Russes quels sont les noms qui représentent le mieux la nation à leurs yeux, il y a toujours, d'une façon systématique et récurrente, trois noms au top. Le premier, c'est Youri Gagarin, qui est un grand symbole national, qui est le premier à avoir vu de près les étoiles, avec son fameux vol historique du 12 avril 1961. En deuxième position, invariablement, immanquablement, Vladimir Vysotsky, qui d'ailleurs talonne Gagarin de très près, à quelques de 2 ou 3%. Et en troisième position, mais assez loin derrière, à seulement, si je puis dire, 20%, le maréchal Joukov, parce que c'est lui qui a recueilli de l'armée hitlérienne défaite la signature de sa capitulation sans condition. Et donc, Vysotsky reste en haut du tableau dans l'imaginaire russe. Et les enfants? C'est une bonne question, parce que les enfants, par définition, sont nés après Vysotsky. Donc, je n'ai pas imaginé un meilleur moyen que d'aller voir les enfants des écoles. Et tout bêtement, sur un échantillon de 100 enfants, de leur poser la question ce qu'était Vysotsky pour eux, ce que ça représentait, et si c'était un nom connu ou pas. Sur 100 enfants interrogés, 100 connaissaient Vysotsky. Et tous ont pu associer au nom de Vysotsky une référence, je dirais une référence intime, une référence vécue. C'est papa qui écoute. C'est grand-père qui raconte. Et c'est moi qui ai vu que, ou qui ai lu que. Bref, le temps ne gomme pas le nom de Vladimir Vysotsky. Parce que son existence en elle-même est un moment de l'histoire russe, mais c'est un moment qui nous intéresse parce que il ne se limite pas à la période de sa vie, 1938-1980. Il relie en fait les différents moments de l'histoire russe. Quand on regarde un petit peu ce destin de chanteur, d'homme à la guitare, on retrouve des vieilles traditions de la Russie, de transmission, de chansons. Il y a un côté barde. Alors, je ne sais pas si ce terme est bien approprié, parce que Vladimir Vysotsky lui-même disait sans doute modestement qu'il n'était pas un barde, mais Yves Gauthier, il y a quelque chose aussi dans cette longue tradition de la Russie populaire de transmission d'histoire par la chanson. Oui, mais c'est un peu contradictoire, parce que Vysotsky est un homme en prise sur son temps. Vysotsky a chanté son temps, il a chanté son époque. Et on peut dire de son œuvre, c'est plus de 700 chansons, on peut le dire, et on l'a dit, que c'était une encyclopédie de la vie russe et soviétique, au même titre qu'on a dit la même chose de Jean Onegin de Pushkin. Vysotsky chante son temps, rien que son temps, et ses contemporains. Mais d'un autre côté, ces références esthétiques, en effet, font appel à la tradition. Et quand on lui demande dans quel genre il s'inscrit, parce qu'il a commencé au début des années 60 par des chansons comme ça, un peu canailles, des chansons de mauvais garçons, des titis moscovites, au même titre qu'il existe des titis parisiens, quand on lui demande dans quel genre ça s'inscrit, sa réponse était... En vérité, ce n'est pas moi qui ai forgé, qui ai inventé ce genre, c'est le genre ancien de la romance russe et de la romance urbaine. Donc il sentait cet ancrage. Sa guitare était une guitare qu'on appelle tzigane souvent en Russie, une guitare à 7 cordes, donc une guitare comme ça, la guitare de l'Europe centrale, du folklore russe, du folklore musical oriental, qui est toujours un petit peu pratiqué à titre folklorique aujourd'hui en Russie. Donc, ces références sont vraiment dans, comment dire, dans le fond culturel musical du peuple russe. Oui, du peuple russe. Et alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est cette histoire souterraine de la Russie. C'est cette Russie secrète. Et nous parlons d'un chanteur à vous écouter, Yves Gauthier. Effectivement, il est connu de tous les Russes. Et pourtant, recontextualisé, mis dans sa période de création, nous sommes en URSS. Et là, d'un seul coup, nous avons un contraste saisissant entre la réception de ses œuvres auprès d'une large partie de la population en Russie, et puis l'exposition officielle. Justement, pour évoquer cette place du rock en URSS, avec nous aujourd'hui également, Joël Bastener, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Back in the USSR, une brève histoire du rock et de la contre-culture en Russie. Si nous évoquons ce personnage, Vladimir Vysotsky, c'est également pour évoquer la contre-culture, ce monde souterrain, mais tellement vif de la culture. Joël Bastener, disons-le, votre ouvrage s'appelle Back in the USSR, ça rappelle tout de suite la chanson des Beatles à la fin des années 1960. Le rock occidental circule en Russie de manière cachée, mais il n'y a pas que ça. Il y a une production russe, j'ai envie de dire contestataire, pas par les paroles portées, mais simplement par le fait de faire du rock en Russie. Oui, alors il y a deux aspects. Il y a le fait de faire du rock, c'est-à-dire de faire quelque chose qui vient des États-Unis et d'Angleterre, et qui donc qui vient des pays rivaux ou même ennemis, ça dépend. Enfin, en gros, le discours est quand même assez vindicatif contre le monde anglo-saxon. Et donc, s'identifier au monde anglo-saxon, c'est une transgression voulue de la part de ces jeunes. Et en même temps, c'est toujours le même rituel de la passation, je dirais, des informations par la chanson. Ce que disait Yves Gauthier à l'instant, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une très vieille tradition qui est celle des malandrins, des vauriens et aussi des intellectuels contestataires. Donc il y a une double racine du mouvement rock en Russie. Et c'est pour ça qu'on aura à la fois une musique imitée, presque un plagiat des grands groupes occidentaux, et des paroles qui sont en russe et qui sont, elles, en référence à des ancêtres, enfin des ancêtres proches, dont Vladimir Vysotsky fait partie. Voilà, Joël Bastaner, nous entendons que votre communication est un peu rock, elle aussi, et nous aimons ça dans le cours de l'histoire. Je vous propose d'écouter justement Vladimir Vysotsky, qui parlait en 1976 sur France Musique du thème de ses chansons. Écoutez, c'est toujours très beau, parce que Vladimir Vysotsky, marié à Marina Vladi, donc proche de la France, parle français. Bref, mais le russe revient. Je prends les thèmes de la guerre parce que je prends des gens qui est toujours dans risque, dans la situation, crainte situation. Dans des situations extrêmes. Extrêmes, toujours. Et c'est très intéressant pour moi, prendre des problèmes, очень острые проблемы. Des problèmes très aigus. Эта песня еще о том, как может себя чувствовать любой человек, не только на войне, но всегда находясь в очень острых и крайних ситуациях. C'est ce que peut ressentir un homme qui se trouve toujours en danger, pas seulement à la guerre, mais dans toute autre situation extrême. Voilà, nous écoutions Vladimir Vysotsky qui évoque le thème dans ses chansons. Yves Gauthier, Vladimir Vysotsky est considéré comme un dissident, si on veut lui coller une étiquette. Évitons les étiquettes de ce type-là. Disons qu'il est artiste, poète, oui, mais artiste en URSS. Comment sont reçues ses chansons par le pouvoir? Il n'a pas de texte éminemment politique, ce ne sont pas des chansons avec des revendications. Non, ses chansons ne sont pas des tracts. Il y a un contenu politique dans ses chansons, parce qu'il y a un contenu politique dans tout. Ne pas chanter de la politique est une manière de se situer dans le paysage des idées, des luttes, etc. Mais Vysotsky ne se revendiquait pas comme dissident. Et je pense que la phrase clé pour le comprendre, c'est « je ne suis pas dissident, virgule, je suis poète, point ». C'est-à-dire la poésie d'abord. À ce propos, j'ouvre une petite parenthèse qui est son statut de barde. Vous disiez, je crois, que Vysotsky ne se disait pas barde par modestie. Je pense que c'est un peu le contraire. Il se voulait poète. Et dans sa hiérarchie des valeurs, poète est au-dessus de barde. Donc, barde, il était au sens où il était chansonnier, il était auteur-compositeur, il écrivait ses musiques, il écrivait ses chansons, il les interprétait à la guitare acoustique et il s'inscrivait, de fait, dans cette tradition ancienne qu'il était en train de réinventer. Son horizon, c'était la poésie. Et ce à quoi il aspirait le plus, c'était au statut de poète et c'était d'être reconnu comme tel. Je pense que son moment de bonheur à Vladimir Vysotsky, c'est 1977, quand aux États-Unis d'Amérique, il rencontre Joseph Brodsky, qui à l'époque n'est pas encore prix Nobel de littérature. Et Brodsky va lui dédicacer un livre, à Vysotsky, avec ces mots « au meilleur poète de la Russie, à l'intérieur comme à l'extérieur de celle-ci ». Là, on est en 1977, et Vysotsky était comme un gosse. Le bonheur, son Elbrouz, ça a été ce moment-là, recevoir la consécration de Brodsky. Je suis poète, pas barde, poète. Et cette aspiration, en même temps, à la reconnaissance officielle, est quelque chose qui l'animait. Ça peut paraître étrange, parce que de par sa popularité qui était immense, Vysotsky était le roi des artistes. Il pouvait remplir des stades de 10 000 spectateurs sans problème. Son œuvre se propageait à travers le pays à une vitesse cosmique. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça marchait très bien. C'était l'époque de la naissance des magnétos à bande. Et les soviétiques commençaient à en fabriquer, ça coûtait très cher, pas moins de 250 roubles, jusqu'à 1000 roubles, donc plusieurs mois de salaire. Mais quand même, on en voyait beaucoup, on en voyait partout. Et c'est comme ça qu'il a été reproduit et diffusé dans tout le pays. Il lui arrivait de créer une chanson, de l'interpréter quelque part dans un gymnase, par exemple à Moscou, et 10 jours plus tard, la retrouver dans la bouche de son public à Vladivostok. On n'imagine pas la vitesse, la puissance de propagation de son œuvre grâce à cette invention merveilleuse qu'était le magnéto à bande, ces bonnes vieilles bobines comme ça qui tournaient et qui ont été le moteur, le propulseur de l'œuvre de Vysotsky. Mais malgré ça, il voulait une reconnaissance officielle. Il était malheureux. Véritablement, il souffrait de ne pas l'avoir, cette reconnaissance, il n'a jamais été publié, bien que poète, et pour lui c'est un grand chapitre de souffrance intime. De même, il n'a jamais eu de disque, à proprement parler, vinyle de vrai 33 tours, que des petits disques qu'on appelait de format mignon comme ça, qui étaient des 33 tours, mais format 45, avec une orchestration qui n'était pas vraiment la sienne. Et il était malheureux comme une pierre de cette situation. Donc c'est cette non-reconnaissance qui a fait de lui un représentant et un leader de la sous-culture. Oui, mais dealer de culture ou dealer de contre-culture, c'est très beau aussi, hein, Yves Gauthier. Non, si c'est très beau. Joël Bastener, justement, la place de Vladimir Vysotsky dans ce monde de la contre-culture en Russie est très particulière, où il est à l'image de tout ce qui peut se passer dans les garages, dans les caves à Moscou et ailleurs, de création culturelle qui n'est pas encadrée par le pouvoir. Non, il n'est pas particulier dans la mesure où finalement les mêmes magnétophones à bande servent aussi à des musiques plus confidentielles, des chansons un peu moins connues que les siennes. Et donc, là, on parle de plusieurs centaines de groupes ou d'individus qui parfois d'ailleurs reprennent des chansons de Vysotsky sur des albums donc qui seront diffusés plus tard par cassette audio, hein, à partir du début des années 80. Ce sont plutôt des cassettes que des bandes. Des cassettes qui sont donc multipliées, et on peut parler de dealers, comme le lapsus d'Yves est tout à fait juste. Il y a un véritable marché parallèle de la contre-culture. Il y a une valeur ajoutée extrêmement forte. On a même pu dire récemment que, au fond, une partie des capitalistes avaient fait leurs armes, les capitalistes de la Nouvelle Russie, avaient fait leurs armes avec le marché noir des bandes magnétiques. Oui, parce que la culture, l'histoire culturelle s'associe à l'histoire économique bien souvent et ça permet de comprendre ces phénomènes. Et là, nous sommes face à un phénomène de masse, hein, celle de la contre-culture en Russie. Et depuis un petit moment maintenant dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous parlons de Vladimir Vysotsky en disant combien il est chanteur et poète reconnu en Russie, mais nous ne l'avons pas encore entendu chanter. Alors écoutons-le chanter, il chante « La chasse au loup ». Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки. Там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки. превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, отградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают сыта рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота. Vladimir Vysotsky qui chante La chasse au loup dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Éric Lancien avec aujourd'hui à la technique Julien Calvas. La chasse au loup, nous entendons dans cette chasse au loup, il y a des chiens aussi, il y a des coups de feu. Yves Gauthier, vous avez écrit Vladimir Vysotsky, un cri dans le ciel russe, ses plus grands voyages racontés par Yves Gauthier. Dites-nous, cette chanson, cette chasse au loup, c'est aussi une lecture autre possible avec tout un versant politique. Nous entendons que ces loups sont aussi symboliques. C'est le chant de la transgression. C'est la souffrance du poète et la nécessité, l'urgence de la transgression pour survivre et pour son salut. Ça remonte en 1968, paraît dans la presse fédérale soviétique un article assassin qui vise Vladimir Vysotsky et qui le présente comme le mauvais chanteur des soifards et qui parle au plus bas instinct du peuple. Pour lui, ça a été un coup très dur. Il a répondu de deux manières, par une lettre magistrale qu'il adresse au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, et par cette chanson. C'est une scène de chasse au loup, de chasse russe au loup. Et on peut regarder ce texte comme une fable. La chasse au loup en Russie, elle a des règles. On repère des loups dans un bois, et on déroule un cordon autour du périmètre, en accrochant à ce cordon des petits drapeaux rouges. Donc les loups sont encerclés, on fait une battue, ils cherchent à s'échapper, et quand ils tombent sur ces cordons, avec ces drapeaux qui s'agitent, ils stoppent net, parce que pour eux c'est signal de danger. Non que les drapeaux soient rouges, les loups sont daltoniens, mais c'est le signal de la présence de l'homme. Et c'est là que les chasseurs, au fusil, les attendent et les traquent, pour les achever. On ne connaît pas d'exemple de loup qui saute le cordon, même si ce cordon il est à hauteur de taille humaine. Et dans ce chant, qui est un chant programme, qui a pour Vysotsky la valeur que peut avoir l'albatros pour Baudelaire, dans ce chant, on voit un loup qui saute la corde et donc qui transgresse un tabou ancestral et qui laisse les chasseurs pantois. Et en sautant la corde, il accède à la liberté. C'est la fable du poète libéré. C'est la fable du poète libéré. C'est aussi une fable de l'individu qui se libère dans cette URSS qui est fermée, passer le pas et essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Joël Bastener, nous évoquons la contre-culture en Russie, mais il est peut-être nécessaire de rappeler comment fonctionne ce monde de la culture, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où il n'y a pas de notion de contre-culture, au sens où il n'y a pas de culture officielle en tant que telle. Mais il faut rappeler qu'en URSS, il faut avoir la carte pour pouvoir être un artiste, en tout cas pour pouvoir vivre et être tranquille quand on veut produire de la culture. Si on veut en effet vivre de la musique, il faut passer un examen de l'Union des compositeurs à un moment donné. Enfin, ça sera valable jusque vers 1982-3. Et cette union des compositeurs qui est connue pour son caractère extrêmement conservateur, puisque elle est dirigée par quelqu'un qui avait été d'abord chargé d'empêcher Shostakovich de s'exprimer. Pas un type méchant, mais simplement un type qui est un bon policier qui fait son travail et qui considère que l'apogée de la musique a été atteint au début du 20e siècle et ne peut plus être dépassée. Et donc ce monsieur est donc chargé aussi, ce monsieur et tous les comités qui sont autour de lui, sont chargés d'empêcher l'irruption du rock'n'roll ou de tout ce qui serait une rythmique sauvage et de tout ce qui serait effectivement l'expression d'une individualité débridée. Donc, pendant très longtemps, on ne peut pas être musicien, même de rock, si on n'a pas passé un examen de composition devant cet aréopage de vieillards. Et évidemment, y en a beaucoup qui vont y réussir très bien, y compris la vedette André Makarevitch de Machina Vrimini. Et puis, il y en a qui vont d'entrée de jeu refuser de le faire. À partir de la fin des années 70, il y a beaucoup de jeunes qui vont dire « Non, nous, on n'ira pas à l'Union des compositeurs. Nous, de toute façon, on ne sait pas lire une note. Et puis, on s'en fiche. » Et donc là, il y a une véritable... il y a un mur qui se constitue entre deux sociétés. Et avec une jeunesse qui est de plus en plus rebelle, ouvertement rebelle, sans faire de politique, parce qu'effectivement, au début... Ça se passe, comme l'a très bien expliqué Yves, il y a une sorte de césure entre la dissidence qui est une activité politique et la poésie qui est une activité artistique. Et je voulais d'ailleurs là-dessus aussi ajouter que la plupart des rockeurs qui sont encore qui dans les mémoires, même s'ils sont déjà morts, se sont aussi définis comme poètes, beaucoup plus comme poètes que comme musiciens. Curieusement, c'est le cas de Victor Tsoï du groupe Kino et c'est le cas de Igor Lietov du groupe Grajdanskaya Barona. Ce sont des gens pour lesquels le mot était le prima. Donc c'est pour ça aussi qu'ils n'avaient pas voulu parler à des compositeurs de musique. C'est qu'ils disaient la musique est secondaire. Nous, c'est un vecteur, c'est tout. Voilà, et la musique... Nous, on fait de la parole. C'est la musique qui porte des textes, mais qui ne sont pas obligatoirement politiques, ne serait-ce que de rappeler l'histoire d'un individu dans un texte de poésie, pose problème à un pouvoir qui voit le collectif. Et puis, il y a un mode de vie aussi qui peut être mal perçu par les autorités. Alors, c'est ce qui est relu dans le film L'Étau, un film sorti en 2018, un film de Kirill Serebrennikov, qui revisite cette figure. Alors, toujours très intéressant de se dire que 10, 20, 30, 40 ans après, on revoit ce monde de la contre-culture au cinéma qui revisite la figure de Victor Tsoï du groupe Kino. L'État t'a bien donné une éducation et de l'instruction, il t'en a donné. Si. J'ai pas raison. C'est pour construire une maison, fonder un foyer, planter un arbre. Ouais. Et toi, tu hurles. C'est les Sex Pistols. Ce connard. Bande de mal élevé que vous êtes. J'ai développé mon propre style. Vous propagez les chansons de l'ennemi. Ah, attendez. Les Sex Pistols, c'est des ouvriers. Et ils bossent à l'usine, comme les Beatles. Je vois pas pourquoi ils sont des... Pas des ennemis? Ouais, pas faux. L'Amérique est mauvaise. Oui, hein. Voilà. Mmh. Et quoi d'autre? Et tu propages les mensonges de notre ennemi idéologique sur notre propre terre. On chante de la variété. Et puis moi, je prêche. Ça suffit. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police maintenant. Eh ben, vas-y. Regardez-moi ça. C'est quoi ce comportement? Mais quelle petite merdeux, ma parole, camarade. Oui. Il faut lui remettre les idées en place à ce merdeux. Vous vous souvenez pas? Un merdeux. Un vrai petit merdeux. Les mecs, je vous quitte. Merde. Allez, apprenez-lui à aimer sa patrie. Oui, très bien. Vas-y. Oui, ben on n'a pas envie d'apprendre à aimer sa patrie de cette manière-là dans le film Leto de Kirill Serebrennikov. À propos du chanteur Victor Tsoï, Joël Bastener, la répression, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, la censure est-elle très forte sur cette contre-culture en Russie, où il y a juste un regard un peu méfiant, on surveille ce qui se passe ici et là, dans les caves, dans les garages, ou est-ce que vraiment il y a volonté que cela cesse? Il y a les deux, si vous voulez, parce qu'il y a une partie de l'appareil politique, donc les personnes qui ont vécu le stalinisme, qui ont survécu et qui finalement se sont un peu, quelque part, identifiées aux positions de Staline, et qui sont majoritaires dans le parti, et qui sont contre, et qui disent, comme ce monsieur qui dit, c'est la propagande américaine. Et puis il y a le Komsomol, donc les jeunes communistes, parmi lesquels figurent beaucoup d'agents du KGB, de personnes qui structurent la surveillance policière, et qui, eux, considèrent qu'on ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas freiner les aspirations des jeunes, et qu'il va falloir surfer dessus. Donc il va y avoir une double politique, une politique de répression, qui est bien illustrée par le dialogue que vous avez retransmis, là, et en même temps, il va y avoir une politique d'acceptation, et on va essayer d'adouber les jeunes les moins rebelles à travers des structures qui s'appellent Rock Club, et qui vont être mises en place à partir de le premier en 1981 et la plupart en 1983. Après, en 1984, il va y avoir un arrêt parce qu'il va y avoir un changement de politique. Tchernenko était opposé aux rénovateurs du KGB. Mais avec l'arrivée de Gorbatchev, ce sont les rénovateurs du KGB qui, au contraire, prennent le devant de la scène. Et eux, ils libéralisent totalement. Enfin, ils font progressivement, ils lèvent la censure sur l'activité rock. Oui, ben d'ailleurs, Yves Gauthier, dans votre livre consacré à Vladimir Vysotsky, il y a ce calembour que vous rappelez, il faut battre le fer tant qu'il est Gorbatchev. Non, il y a un moment très particulier avec la perestroïka, faut le rappeler, mais cette liberté, cette transparence, cette ouverture, est-elle vraiment réelle? Yves Gauthier, par exemple, pour des groupes de musique, pour les héritiers de Vladimir Vysotsky, parce qu'il décède en 1980, la mémoire de Vysotsky est toujours là, c'est toujours véhiculé, mais ça ne reste pas qu'un artiste mis en avant. La perestroïka a tout changé. Même si la censure est demeurée par inertie idéologique, par résistance, la résistance de l'État soviétique pour sa survie, et aussi par obligation institutionnelle, parce que la censure, c'était un ministère, donc une immense administration, c'était des milliers et des milliers de fonctionnaires, ce ministère s'appelait le Glavlit, et il fallait bien que cette administration tourne et qu'elle justifie, non pas son beefsteak, mais ses pirashki. Donc, il y avait comme ça une forme, je vais me répéter, d'inertie administrative. La perestroïka a énormément changé et, vous savez, il n'est pas rare qu'on lise ou qu'on entende que le vrai coup d'envoi de la perestroïka n'est pas tant en 1985 avec l'arrivée aux commandes du pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev que juillet 1980. L'enterrement de Vysotsky pendant les Jeux Olympiques de Moscou qui se transforme en une immense manifestation d'hommage avec plus d'un million de gens dans la rue et on considère que c'est un tournant, que c'est le changement d'une époque et que le coup d'envoi il a été donné par le décès de Vladimir Vysotsky. Avec, en plus, cette particularité que son décès, c'est un infarctus du myocarde, son décès n'a pas été mis comme une grande annonce, on ne le trouve nulle part, il y a un journal qui l'évoque à peine. Mais ce contraste est saisissant entre la discrétion des médias sur ce décès et puis la réalité de la foule qui descend pour assister à ses obsèques, avec des magnétophones d'ailleurs. Mais cette nuit-là, le décès a été annoncé par une radio étrangère, la Voix de l'Amérique, mais qui était très écoutée en Union soviétique. La nouvelle s'est répandue effectivement comme une traînée de poudre. S'agissant de la censure, je ne résiste pas à la tentation de vous donner une petite citation que j'aime beaucoup. Elle appartient à la plume d'un psychiatre russo-américain qui s'appelle Mark Tsibulski, qui est un grand spécialiste et biographe de Vysotsky, et qui fait, au détour d'un chapitre, cette belle analyse. Il faut bien reconnaître, dit-il, que les gens qui dirigeaient la culture en Union soviétique avaient le goût, tenez-vous bien, avaient le goût particulièrement sûr. Ils repéraient instantanément les écrivains, poètes, peintres et réalisateurs hors ligne, intéressants, et s'acharnaient dessus aussitôt. Et ce sans exception, du moins serions-nous incapables de citer une seule campagne officielle de dénigrement d'un médiocre. Ça, c'est toujours intéressant ce regard que l'on peut porter sur ce qui, un temps, a paru vraiment exceptionnel à juste une partie de la population, qui aujourd'hui nous émeut évidemment quand nous écoutons les textes de Vladimir Vysotsky, ou en tout cas que nous lisons les traductions. Pour ma part, je ne parle pas russe. Il y a quelque chose de très fort parce que le message est universel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas contextualisés dans l'URSS de ces années-là. Il y a quelque chose qui nous parle à tous. Et puis après, pour Vysotsky, il y a un lien à l'international. Nous sentons bien que quelque chose le relie avec l'ailleurs, et notamment grâce à Marina Vladi. Je vous propose justement d'écouter Marina Vladi qui chante une chanson de Vladimir Vysotsky, Sans trace ni interdit. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся за город машины, и громоздкие, как танки, Форды, Линкольны, Селены, элегантные мустанги, Мерседесы, Ситроены, будто знают, игра стоит свеч. Это будет как кровная месть городам, поскорее только б свечи не сжечь. Карбюратор, и что у них есть еще там? И не видно полотна, лимузины, лимузины. Среди них, как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом, а где тонко, там и рвется. Акселератором под сосом больше дела не найдется, будто знают, игра стоит свеч. Только б вырваться, выплатят все по счетам. Ну а может, он скажет ей речь на клаксоне, и что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры. Опоздаешь, так и есть, ты промедлил, светло-серый. Marina Vladi qui chante Sans trace ni interdit. Enfin, ça, c'est la traduction française de ce titre de Vladimir Vysotsky. Marina Vladi, qui est l'épouse de Vladimir Vysotsky et qui a écrit un Vladimir où le vol arrêté, c'est publié en 1987, 7 ans après la mort de Vysotsky. Yves Gauthier, Marina Vladi, qui nous écoute peut-être, j'imagine, sans doute, je l'espère, sublime Marina Vladi, quelqu'un d'important dans cette histoire. Elle est importante parce que il y a ce lien avec la France, il y a cette création poétique en fait qui baigne cette relation, et puis il y a aussi une vie, un mode de vie. Un couple mythique, le plus grand couple, on dirait aujourd'hui glamour, des années 60, 1970. D'une popularité galactique, entrée dans la légende et un amour total, mis en poésie, mis en chanson, mis en légende, érigé en mythe par Vladimir Vysotsky. Sa popularité et dans le monde en général, et en Union soviétique en particulier, à Marina Vladi, était immense. Et son rôle a été décisif au sens où elle a apporté à Vladimir, elle lui a apporté beaucoup de choses, de l'amour, de sa personne, un univers artistique, etc. Mais elle lui a apporté aussi la découverte du monde. L'Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Amérique, le Mexique, Tahiti. Vladimir Vysotsky a vu le monde grâce à Marina. Oui, parce que grâce à ce mariage, c'est vrai qu'il pouvait quitter l'URSS. Ce qui est vraiment la clé, en fait, de cette contre-culture en Russie, en URSS, Joël Bastener, c'est vrai que chaque contre-culture se développe dans un univers très particulier. Et pour l'URSS, il y a aussi ce lien au monde. Et vous nous l'avez dit, les disques venus de l'étranger entrent. Il y a ce regard sans cesse porté sur le monde. J'ai envie de vous demander, mais une fois que tout s'effondre, que cet empire soviétique disparaît, qu'en est-il de cette contre-culture? Elle continue à vivre? Elle a toujours cette force ou le fait de ne plus avoir d'opposition institutionnelle lui fait perdre un peu de sa vigueur? Je pense qu'elle a perdu beaucoup de sa vigueur pour plusieurs raisons. D'abord, elle est tout simplement économique, c'est-à-dire que en fait, la valeur ajoutée de tout ce qui était vendu sous le manteau a été tombée. Ensuite, il y a eu la grande crise économique de 1992 qui a mis fin aux tournées des artistes aussi pendant un certain temps, ou qui les a ramenés vers des bars ou des caves, alors qu'ils avaient, pendant la fin de la perestroïka, pris l'habitude de jouer dans des stades. Donc ça, c'est l'aspect économique. Et puis, l'aspect politique, c'est moins tranché, parce qu'en fait, il reste une contre-culture. D'ailleurs, elle est très vivace. Bon, aujourd'hui, on la voit plus à l'œuvre en Biélorussie ou en Ukraine qu'en Russie même. Mais elle existe. Il y a toujours des groupes qui chantent des choses sulfureuses. Bon, il n'y a pas effectivement d'agression directe des organes politiques ou de la police contre l'activité de ces groupes. Très peu. Parce que, en fait, maintenant, on peut presque dire ce qu'on veut. On peut pas faire ce qu'on veut, mais on peut presque dire ce qu'on veut. Donc, il est rare qu'une entraînant l'action de la police. Voilà, Joël Bastener, la contre-culture en Russie, c'est faite dans les caves cachées et les communications aussi parfois se font dans les caves cachées. J'aime beaucoup votre analyse hein, de dire que on peut pas tout faire. On peut dire des choses, mais enfin bon, il y a une limite très vite qui apparaît. Yves Gauthier, vous vouliez rajouter que la contre-culture, elle est nostalgique d'elle-même à bien des égards, que c'est vrai qu'elle a changé, mais qu'en même temps, elle l'a changé et elle n'est plus tout à fait elle-même parce qu'elle a gagné. Et notre émission s'intitule « La contre-culture sous le marteau », mais il faudrait peut-être ajouter que la contre-culture a été le marteau qui a fait basculer le pays et qui l'a véritablement transformé, révolutionné. De ce point de vue-là, il en reste quand même une immense nostalgie. Et puis, il y a son caractère ineffaçable, Vysotsky, Victor Tsoï. L'une des chansons de Victor Tsoï, Joël le dirait mieux que moi, qui s'appelle « Périmien », du changement, point d'exclamation, est la chanson qu'on passe aujourd'hui sur tous les meetings, y compris d'ailleurs à Minsk, puisque deux DJ ont été emprisonnés pour avoir lancé dans un meeting public cette chanson-là. Justement, nous évoquons depuis tout à l'heure Victor Tsoï et le groupe Kino. Je vous propose d'écouter juste un extrait pour se mettre dans l'ambiance et pour voir cette énergie. C'est l'album Rock in Soviet, c'est en 1987 et Kino chante Maman l'anarchie. Kino, le groupe Victor Tsoï qui chante l'anarchie, maman, l'anarchie. Yves Gauthier, nous sentons cette énergie. C'est que ça aussi qui nous plaît à travers le portrait de Vladimir Vysotsky. Il y a toujours cette patine du temps des gens décédés il y a 40 ans pour Vysotsky. Et puis c'est un poète. Mais ce sont des gens qui ont vécu, qui étaient vivants et qui étaient dans leur siècle. Je crois qu'énergie est le mot-clé. Quand j'ai offert mon bouquin sur Vysotsky, après sa parution russe à André Makarevitch, dont parlait Joël à l'instant, le fondateur du groupe rock La Machine du Temps, ou à remonter le temps, traduisez comme vous voulez, et que je lui ai demandé quelle était la part d'héritage de Vysotsky en lui, il m'a répondu par un adverbe. Il m'a dit, on était d'un autre monde peut-être, nous, on était jeunes, on était barbus, on était chevelus, on était poilus, et on n'appartenait pas à ce monde qui pourtant nous fascinait, qui était celui des poètes, bardes, chanteurs, compositeurs. Mais, a-t-il dit, c'est là qu'est l'adverbe, énergétiquement, nous sommes tous des enfants de Vysotsky. Nous sommes tous des enfants de Vysotsky. Yves Gauthier, cet héritage transparaît aujourd'hui, vous le disiez, à travers la mémoire collective en Russie, et des ouvrages comme le vôtre par exemple. Cette mémoire n'est pas trop abîmée par la patine du temps. Je n'ai pas l'impression, ce n'est pas un texte classique et qui reste figé. Il nous parle à nous parce que ces textes avaient été faits avec une valeur universelle. Ah, moi, je pense que je ne peux donner à cette question qu'une réponse complètement subjective. Non, c'est impatinable. C'est impatinable. Et cette valeur universelle, elle l'est parce qu'elle traverse l'espace. Et d'ailleurs, Vysotsky était en passe de conquérir un public véritablement, notamment français. Une de ses grandes surprises a été quand il s'est produit en France, à l'Élysée Montmartre, c'était en 1977, et moi qui vous parle, je m'en souviens très bien, ça passait, ça marchait, et il y avait, c'était électrique, et il y avait une fascination dans la salle. Eh bien, la fascination, elle est toujours là, et d'ailleurs, on le sent dans votre voix, Yves Gauthier. Merci beaucoup, je rappelle, Vladimir Vysotsky, Un cri dans le ciel russe, c'est votre ouvrage, et merci beaucoup, Joël Bastener, Back in the USSR, une brève histoire du rock et de la contre-culture en Russie. Merci beaucoup à vous deux, il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans votre journal de l'histoire, la pêche, le poison de l'histoire européenne. Les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne reprennent aujourd'hui avec leur longue litanie d'épineux dossiers qui fâchent. Parmi les points de discorde, il y a bien sûr la frontière de l'Irlande du Nord, mais aussi la pêche. Un sujet ardent qui intéresse assez peu les citoyens européens, en dehors des lobbyistes et des industries de la pêche. Et pourtant, les conflits autour de la pêche constituent une épopée sans fin, une actualité toujours renouvelée depuis le Moyen-Âge et l'avènement du christianisme qui prescrit de manger du poisson et exige donc que ceux-ci arrivent massivement sur les tables. Le problème est pourtant assez simple, qui a le droit de pêcher et où ? Sujet radioactif par excellence. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Dans ces conflits autour de la pêche, un acteur incontestable s'est imposé à proximité des côtes européennes, l'Islande. Un pays minuscule qui n'existait même pas avant le 9e siècle, indépendant puis rapidement colonisé par la Norvège, elle-même défaite par le Danemark, qui restera souverain au pays des Macareux jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, les eaux autour de l'Islande sont particulièrement poissonneuses et les pays d'Europe occidentale viennent s'y fournir sans grande considération pour cette colonie scandinave du bout du monde connu. Mais l'Islande a mis les moyens sur la table pour défendre ses ressources halieutiques assez tôt. En 2015, un décret local en vigueur depuis 4 siècles a été aboli par le Parlement islandais qui autorisait à tuer les Basques en Islande depuis 1615 pour leur interdire la chasse à la baleine. Un autre État se voit interdire de séjour après quelques échauffourées sur mer. L'exaspération conduit au meurtre d'un marin anglais sur l'île en 1532, résultat de la rivalité en matière de pêche entre l'Angleterre et la Ligue hanséatique, l'association des villes marchandes germaniques de l'Europe du Nord, riveraines de la mer du Nord et de la mer Baltique. Les Anglais sont interdits dans le secteur pendant 3 siècles et demi, jusqu'au 19e siècle, où ils réapparaissent avec filets et bateaux dans la région, et avec eux, le retour des ennuis. Les pêcheurs anglais et allemands viennent en grand nombre se fournir de manière intensive dans les eaux islandaises à partir des années 20, sans respecter les frontières marines nationales. L'Islande prend alors sa place au cœur d'une guerre à rebondissements. La guerre de la morue qui commence en 1958 lorsqu'elle étend de manière unilatérale ses eaux territoriales à non plus 3 mais 12 000 nautiques pour protéger sa zone de pêche. On s'arraisonne, on s'éprône, on tire au canon, cette guerre de pêcheurs et de gardes-côtes connaît de nombreux épisodes. Les Britanniques envoient leur flotte de guerre pour protéger leurs chalutiers. L'Atlantique Nord est devenu un champ de bataille autour du droit de pêche. Un droit de pêche interprété de manière divergente jusqu'à l'intervention des États-Unis, craignant pour le bon fonctionnement de leur base militaire de Keflavik, située au sud de l'Islande, qui sort pour sa part victorieuse de ce conflit à rallonge, au détriment du Royaume-Uni, relégué à 2000 milles nautiques de ses côtes, avec un coût de 2000 emplois aussi parmi ses pêcheurs et ses travailleurs associés. Fin de la guerre de la morue. Une guerre de la morue que les pays de l'Union européenne aimeraient éviter de voir renaître à l'occasion du Brexit. Effectivement. Merci Anaïs. Nous irons pêcher les informations et les liens utiles sur la page de votre journal. C'est sur franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont-Anne, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et My One Gives You, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et demain, nous restons en Russie, mais cette fois-ci pour aller visiter la KGB Académie.